Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Tout l'accuse Ömer Güney, un Turc d'une trentaine d'années. Des preuves matérielles accablantes le désignent comme l'assassin des trois militantes kurdes tués il y a un an en plein Paris. Trois exécutions par arme à feu dans un petit appartement qui servait de local officieux à l'organisation indépendantiste kurde, le PKK. Mais si la culpabilité de Güney ne semble pas faire de doute, il reste à découvrir qui a armé son bras et pourquoi ces trois femmes ont été assassinées. Monsieur X ouvre ce dossier délicat, d'autant plus délicat que la Turquie, perpétuelle candidate à l'entrée dans l'Union européenne, traverse en ce moment une période périlleuse. Le gouvernement islamo-conservateur de Recep Erdogan, menacé par de graves accusations de corruption et la révolte latente de sa jeunesse, accentue sa dérive autoritariste et doit faire face à une nouvelle contestation issue de son propre camp, animée par la puissante confrérie Gülen, une organisation religieuse qui a peu à peu infiltré la police et la justice. Enfin, bien sûr, le pouvoir turc est toujours confronté à la question kurde et oscille entre fermeté et dialogue. Ce conflit de 30 ans a déjà causé la mort de 45 000 personnes. Il est évidemment au cœur de l'énigme du triple assassinat de Paris. On l'appelle le Petit Kurdistan, une parcelle du 10e arrondissement de Paris où se sont regroupés de nombreux exilés kurdes. On y trouve par exemple l'Institut kurde de Paris. Et c'est là, rue Lafayette, au numéro 147, qu'est installée la Fédération des associations kurdes de France et aussi le Centre d'information du Kurdistan. Il s'agit en réalité du siège officieux du PKK en France. Mais officieux parce que... Pour la France et l'Union européenne, le parti indépendantiste est classé sur la liste des organisations terroristes. C'est ça. Bon, on en reparlera si vous le voulez bien, car vis-à-vis des Kurdes, la politique française a été fluctuante. C'est donc dans ces locaux que, dans la nuit du 9 au 10 janvier 2013, on a retrouvé les cadavres de trois femmes abattues d'une balle dans la tête. Oui, et l'enquête va démontrer qu'elles ont été tuées le 9 à la mi-journée. C'est exact. Alors d'abord, voyons qui étaient ces trois militantes. La plus connue, la plus emblématique aussi, s'appelait Sakine Zanjic, alias Sarah. La cinquantaine, c'était une des fondatrices du PKK, aux côtés de son chef historique Öcalan. Qui, lui, est détenu depuis 1999. Oui, et Zanjic aussi a connu la prison, elle y a passé 12 ans. Et lors des tortures qu'elle a subies, ses bourreaux lui ont coupé les seins. Libérée, elle a repris le combat dans les montagnes du Kurdistan irakien, et rejoint ensuite la BKA libanaise, qui était la base arrière du PKK à l'époque où la Syrie soutenait la guérilla kurde. Enfin, Cette militante pure et dure est partie pour l'Europe où elle faisait la liaison entre la direction de l'organisation et la diaspora. Elle avait donc un rôle important. Hein? Oh, c'est certain. Elle connaissait tous les rouages du PKK et aussi ses circuits de financement. Et ça, c'est un aspect crucial. En effet, puisque le PKK était souvent accusé de racketter les exilés kurdes. J'ajoute que cette femme élégante menait une vie austère et qu'on ne lui connaissait aucune attache sentimentale. Et son séjour à Paris, alors ? Elle était de passage avant de partir pour l'Allemagne. Alors, la deuxième victime, Fidan Dogan, jouait aussi un rôle de premier plan dans le fonctionnement du PKK. Vivant entre Paris et Bruxelles, où est installé le Parlement kurde, elle avait une activité intense et portait la parole de son peuple partout où elle le pouvait. Elle avait donc de nombreux contacts dans les médias et les milieux politiques européens. Mmh. Un solide carnet d'adresse. Il figurait par exemple un certain François Hollande, qui, lorsqu'il l'apprendra, suscitera la colère d'Erdogan, toujours prompt à accuser Paris de complaisance vis-à-vis des terroristes kurdes. C'est vrai ? La cause kurde a certainement été considérée avec sympathie dans notre pays. Il faut se souvenir de l'action courageuse de Daniel Mitterrand en faveur des Kurdes irakiens. Et longtemps, les autorités françaises ont toléré les activités politiques des militants du PKK présents chez nous, à condition qu'ils se tiennent tranquilles. Mais ça a changé surtout à partir de 2007. Cependant, si vous le voulez bien, on en reparlera. Et la troisième victime, alors ? Ah, Laila Solimez, la responsable de la section jeunesse du PKK. Une battante qui a été arrêtée une première fois en Belgique lors du démantèlement d'un camp de formation du PKK, puis à nouveau en 2012 aux Pays-Bas. Et assez rapidement, alors après ce triple assassinat, on va arrêter un suspect. Hein. Oui, un certain Omer Güney. Ce trentenaire est interpellé quelques jours après le drame. Et qui est-ce ? D'après les premières informations recueillies par la police, ce citoyen turc est arrivé en France en 2011. Très vite, il prend contact avec la communauté kurde et devient un familier de ses représentants à Paris. Est-il lui-même kurde ? Il le prétendra toujours, mais la suite de l'enquête infirmera ses déclarations. De la même façon, il déclarera appartenir au PKK, mais l'organisation démentira formellement. En tout cas, il doit quand même inspirer confiance, car ce jeune homme, toujours prêt à rendre service, devient le chauffeur occasionnel des responsables du PKK lorsqu'ils sont de passage à Paris. C'est en particulier le cas de Sakine Jansis. Et de quoi vit-il, là, ce type ? Il a trouvé un travail d'agent d'entretien, mais il l'abandonne à l'été 2012 en raison, dit-il, de problèmes de santé. Enfin, tout ça n'est pas très clair, car il variera souvent sur la cause réelle de ces maux. Un personnage plutôt trouble, non ? Et pourquoi est-il soupçonné ? D'abord, sa présence sur les lieux est avérée grâce au système de vidéosurveillance de la rue. Vers 11h30, il aurait fait un premier passage au CIK, le centre d'information du Kurdistan, où il a raccompagné en voiture Sakine Jansis. Puis, on le voit revenir sur les lieux à 12h11 et ressortir à 12h56 du bureau. Par conséquent, il est établi que Güney est resté 45 minutes dans l'appartement avec les trois femmes à l'heure même où elles auraient été exécutées. Et comment explique-t-il alors son retour dans l'appartement ? Il affirme qu'il avait oublié au bureau une friandise que lui aurait offerte l'une des trois femmes. Et alors, pour récupérer cette friandise, il aurait eu besoin de 45 minutes. Oui, ce n'est guère crédible. Plus troublant encore, quand il ressort de l'immeuble, il porte une sacoche. Une sacoche à laquelle s'intéressent forcément les enquêteurs. Eh oui. La police scientifique l'examine attentivement. Elle y trouve des résidus de poudre d'armes à feu. Alors Güney aurait pu y ranger son arme après avoir tué les trois femmes. Ça semble logique. Ensuite, expertisant les effets que Güney portait ce jour-là, les policiers trouvent des traces de sang sur l'une de ses chaussures et l'ADN de Leyla Solimez sur sa parka militaire. Conclusion évidente, le jeune homme a été assez vite mis en examen le 21 janvier pour assassinat en lien avec une entreprise terroriste. C'est donc alors qu'on soupçonne déjà Güney d'avoir agi pour le compte d'une organisation terroriste. Et que dit-il, lui ? Il nie absolument. Cependant, les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Ils découvrent que les communications téléphoniques des trois victimes s'interrompent à partir de 12h43. Elles n'appellent plus ni ne répondent au téléphone. Ce pourrait être alors l'heure de l'exécution. Or, à ce moment-là, Güney est présent dans le local du CIK. Tout à fait autre chose. En examinant de façon très minutieuse l'un de ses téléphones portables, les policiers ont fait une curieuse découverte. Dans quel ordre ? Des données qu'il avait pris la précaution d'effacer, mais que les experts ont réussi à reconstituer car elle restait dissimulée dans la carte mémoire de l'appareil. Gunay avait photographié les fiches de renseignement de plus de 300 militants du PKK, dont certains sont des membres importants de l'organisation en France. Mais où les a-t-il trouvés, là ? C'est Gunay lui-même qui leur a donné l'explication. La veille du drame, c'est-à-dire dans la nuit du 7 au 8 janvier 2013, grâce à des clés volées, Gunay s'est introduit dans les locaux d'une association kurde de Villiers-le-Bel, dans la banlieue parisienne. Et là, à l'aide de son téléphone portable, il a donc photographié le fichier. Et comment justifie-t-il cette intrusion, hein ? Eh bien, il a affirmé avec aplomb qu'il avait obéi aux ordres de hauts cadres kurdes qui voulaient transférer ses fiches sensibles sur un autre support. D'accord, mais pourquoi faire ça clandestinement la nuit ? Vous avez raison, c'est parfaitement absurde. D'autant que cette mission de confiance n'aurait pu être effectuée par un homme qui n'était même pas membre du parti. Ici, une brève parenthèse. Le PKK a la réputation justifiée d'être une organisation quasi militarisée, donc très structurée et assez peu perméable. Il me semble qu'on a même parlé de parti stalinien. Hein. C'est juste. On y respecte une discipline très stricte et on n'y accueille pas n'importe qui. Mais c'est souvent le cas des mouvements qui doivent agir dans la clandestinité. On y court le risque de devenir assez rapidement paranoïaque. Alors, je referme la parenthèse. Et Gunay, alors, s'il a photographié ses fiches, a sans doute agi en service commandé, mais... Pour le compte de qui ? On va voir ça, mais un peu plus tard. Encore un élément qui ajoute au mystère du personnage. Il est toujours question de téléphone portable. Gunay en possédait 5. Et c'est beaucoup pour un homme sans travail. Hein. N'est-ce pas ? Et l'un d'eux a particulièrement intéressé les enquêteurs parce qu'il était associé à un abonnement sur une ligne mobile turque et qu'il aurait permis à Gunay d'appeler une centaine de fois en 4 mois ce que les spécialistes appellent des numéros répondant à une nomenclature atypique. Bien, je crois comprendre ce genre de numéros qu'on ne trouve sur nul annuaire. Voilà, et en général, ce sont des organisations discrètes qui se servent de ces numéros, comme par exemple les services secrets. Quelques précisions sur le PKK. Je les ai trouvées sur le site de Mediapart qui a mis en ligne une enquête très fouillée sur le triple assassinat de la rue Lafayette. Le PKK, parti d'Abdullah Öcalan, est une nébuleuse aux ramifications internationales classée sur la liste des organisations terroristes établies par les États-Unis et le Conseil de l'Europe. Son commandement militaire est basé dans le Djebel Kandil, les montagnes du nord de l'Irak. Outre la Turquie, les différentes branches du parti sont éclatées entre la Syrie, l'Irak et l'Iran, territoire du Kurdistan. La plupart des leaders et cadres politiques du mouvement sont en exil et les militants de cette diaspora, qui participent activement à l'effort de guerre via notamment l'impôt révolutionnaire et le racket, sont disséminés dans toute l'Europe jusqu'en Russie. Sans oublier les nombreux trafics, armes et drogues transfrontaliers auxquels les guérilleros kurdes sont associés. Très logiquement, afin de remonter la piste d'un éventuel commanditaire des assassinats, les enquêteurs ont fouillé dans le passé de Gunay. Et ce qu'ils ont découvert est assez troublant. Et d'abord ceci. Ömer Gunay est né en 1982 à Sarki, en Anatolie centrale, dans une province réputée pour être tenue par les ultranationalistes turcs. Oui, des gens particulièrement hostiles aux revendications séparatistes kurdes. Hein. Évidemment. Mais n'aurait pu échapper à l'influence de son milieu d'origine. C'est vrai. Toutefois, ce n'est pourtant pas ce que l'enquête a démontré. Écoutez. Entre 2003 et 2011, il vit à Munich. Les témoignages qu'on y a recueillis indiquent que non seulement Güney n'a aucun lien avec les exilés kurdes, mais qu'il affiche au contraire des sentiments nationalistes turcs, et même de façon exubérante. Il accroche, par exemple, un drapeau blanc et rouge à la fenêtre de son appartement. Ce drapeau, alors ? C'est l'ancien drapeau ottoman. L'organisation extrémiste et criminelle des loups gris en a fait son étendard symbolique. Autre détail significatif. Il a passé à l'un de ses doigts une bague représentant 3 demi-lunes, autre emblème nationaliste turc. Alors c'est ensuite qu'il part en France ? Il y rejoint ses parents, qui vivent dans la région parisienne. En novembre 2011, il se présente à la maison culturelle kurde de Villiers-le-Bel. Ah, et c'est le local dans lequel il photographiera le fichier. Oui, il prétend donc qu'il est kurde et veut adhérer à la cause. Un nouveau converti, en somme. En effet. Et on l'y accueille favorablement ? Apparemment, mais ce n'est alors qu'un sympathisant. Quand même, si le PKK est tel que vous me l'avez décrit, là, je m'étonne qu'on ne se soit pas méfié, qu'on n'ait pas essayé d'en savoir plus sur le parcours de ce type. Oui, je suis assez d'accord. D'autant qu'il y avait matière à s'étonner. Exemple ? Je vous l'ai dit, après avoir été brièvement agent d'entretien à Orly, Güney quitte son emploi en prétextant des ennuis de santé. Il touche une modeste indemnité. Or, malgré cette situation financière précaire, le jeune homme s'offre une belle voiture, une dizaine de costumes de marque et, surtout, il va effectuer plusieurs voyages aller-retour en Turquie. Et dans son pays natal, il descend dans des hôtels 4 étoiles. Ouais, bref, d'où sort l'argent ? C'est en effet la question. Et comme vous l'avez remarqué vous-même, il est curieux que du côté kurde, la personnalité de Güney n'ait pas suscité plus de méfiance. Mais d'autant qu'il approchait des membres importants du PKK, dont Sakineh Cansız. Par contre, selon certaines sources, Ömer Güney aurait attiré l'attention des services de renseignement français. Avant le triple assassinat, par bien contre. Bien sûr. Mais malgré les demandes pressantes des avocats de la partie civile, aucun détail n'a filtré. Au prétexte que les écoutes qui ont été éventuellement réalisées n'avaient pas de rapport avec l'affaire des assassinats de la rue Lafayette. Étrange appréciation. Donc ces écoutes n'ont pas été communiquées. Et 3 jours après la notification de ce refus, au mois de septembre, la juge d'instruction chargée de l'affaire s'est fait voler son ordinateur portable, un appareil dans lequel la magistrate avait consigné des informations importantes sur l'avancement de son enquête. Coïncidence étrange, hein. Manifestement, certains dans les services secrets ou ailleurs semblent embarrassés et ne sont pas prêts à livrer tout ce qu'ils savent sur ce Güney. Et donc aussi sur ses éventuels commanditaires. Mais est-on vraiment sûr que ces services-là s'intéressaient à cet assassin ? À peu près, oui. Je ne veux pas anticiper sur la suite de ce récit, mais se produit en janvier 2014 un vrai coup de théâtre. La diffusion sur Internet d'une bande audio où l'on entend Güney discuter avec 2 représentants des services secrets turcs, le MIT. Et Güney leur confie qu'en France, il est sous étroite surveillance des agents français. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Je reviendrai sur ce coup de théâtre qui sera d'ailleurs suivi d'une autre révélation d'importance dans un journal turc. Cependant, en attendant, je vous propose de faire le point sur les rapports entre les autorités françaises et les Kurdes. Et vous m'avez dit que ça s'était gâté en 2007. Et même un peu avant, en juillet 2006. C'est à cette date qu'éclate une affaire soulevée par la cellule anti-blanchiment du ministère de l'Intérieur. C'est ce qu'on appelle TRACFIN, c'est ça, hein ? Oui. 2 Kurdes sont interceptés en région parisienne alors qu'ils tentent de changer 200 000 euros en espèces. Plus ennuyeux pour ces hommes, on relève sur les billets de banque des traces d'héroïne et de cocaïne. Oui, ils proviendraient donc d'un trafic de drogue. Et ça confirmerait les soupçons sur le financement du PKK grâce à ce trafic. Et quelques mois plus tard, la police française opère une véritable rafle. Un peu partout en France, des Kurdes sont arrêtés, car ils sont accusés de lever des fonds pour financer une entreprise terroriste. En fait, il s'agit de ce qu'ils appellent la campagna, c'est-à-dire la collecte annuelle publique au sein de la communauté kurde. De l'argent pour financer la guérilla. Et c'est bien connu, mais là, visiblement, et pour la première fois, les autorités ont décidé de sévir. Ces gens seront condamnés ? Oui, mais ensuite, les inculpés, considérés comme des réfugiés politiques, bénéficieront d'une mesure de clémence. Il n'empêche qu'en France, le ton s'est durci. Un centre kurde de Paris jugé trop proche du PKK, est fermé. Puis d'autres militants, toujours accusés de financement du PKK via la Maison du Peuple Kurde de Marseille, sont poursuivis. Au total, entre 2007 et 2012, près de 700 Kurdes sont arrêtés en France. Et pourquoi ce changement radical de ton, alors ? Oh, c'est simple. En 2011, Nicolas Sarkozy doit se rendre en Turquie. Une visite qui a été préparée par Claude Guéant, son ministre de l'Intérieur, qui a signé avec les Turcs un accord de coopération contre le terrorisme, facilitant notamment les extraditions. Et quel est l'intérêt de la France, hein ? Ben, le gouvernement espère ainsi conclure des contrats commerciaux. Mais le zèle anti-kurde de Paris ne sera pas vraiment récompensé, car la visite du président français ne sera guère fructueuse. En tout cas, il est évident que la police française antiterroriste a décidé de passer à la vitesse supérieure. En témoigne la rocambolesque affaire Adem Uzun. Qui est ce personnage ? Adem Uzun est un homme politique kurde de renom, membre du comité exécutif du Congrès national du Kurdistan basé à Bruxelles. C'est aussi un interlocuteur régulier des parlementaires européens. Il a participé aux premières négociations secrètes engagées entre Ankara et le PKK en 2011. Un an plus tard, la police française bénéficie d'un tuyau. Un haut responsable kurde viendrait à Paris pour acheter des armes. Et ce tuyau, d'où vient-il ? De Turquie, c'est évident. Quoi qu'il en soit, la sous-direction de l'antiterrorisme, une section de la DCRI, prend ça très au sérieux. Et elle décide d'infiltrer un agent dans les milieux kurdes, un certain Antoine, qui jouera le rôle de négociant en matériel un peu particulier. Oui, c'est-à-dire d'armes. Bien entendu. En juillet 2012, le dit Antoine fait une proposition à un gérant de société proche du PKK. Il pourrait lui fournir des missiles Milan anti-chars ou anti-aériens pour 2 millions d'euros. Oui, ça n'a pas pour piéger l'éventuel acheteur kurde. Oui, un autre homme s'introduit dans la boucle. Un escroc au renseignement bien connu de la police, Noël Dubu, qu'on a déjà retrouvé dans des tractations avec les ex-réseaux de Kadhafi ou encore dans l'affaire Karachi, suivent plusieurs rencontres entre tous ces gens. Mais attendez, le rapport avec ce Adem Uzun... J'y viens. Début octobre 2012, il se trouve à Paris. Que vient-il y faire ? Son activité ordinaire, chercher des relais d'influence en faveur de la cause kurde. Mais le 6 octobre, accompagné d'un homme d'affaires kurde, c'est avec Antoine qu'il a rendez-vous dans un café de Montparnasse. Pour Uzun, c'est une première rencontre. Il n'a jamais vu auparavant ce Antoine. Non, c'est exact. Et notez bien qu'au cours de la conversation, qui a bien sûr été enregistrée, il n'est nullement question d'armes. Pourtant, 10 minutes après le début de cette rencontre, des policiers en civil surgissent, plaquent Uzun au sol et l'embarquent. Uzun a été... piégé. Oh bah c'est clair. Et pour toute preuve, les policiers saisiront sur la table du café une feuille sur laquelle on a écrit une somme et le mot « cash ». Autant dire pas grand-chose. Hein. L'implication d'Uzun dans un éventuel achat d'armes ne repose donc que sur le tuyau fourni par les Turcs. Il n'empêche que le politicien kurde passera plusieurs mois en détention. Alors, pourquoi les policiers antiterroristes se sont-ils précipités ? Parce que leurs homologues turcs leur avaient fait miroiter la grosse affaire. Ah oui, la compromission d'une huile du PKK. C'est ça. Et attention, il y avait peut-être anguille sous roche, mais le piège a mal fonctionné. C'est tout ce que je peux dire. En tout cas, pour revenir à l'affaire du triple assassinat, l'affaire Uzun prouve que la police française surveillait étroitement les menées des militants kurdes. Et donc, Gunay lui-même ? Bah, ça me semble évident. Ce qui permet de se demander si ce faux kurde n'était pas un autre Antoine. Ouais, un provocateur. Ou l'instrument d'un piège tendu par Ankara. Que cachait vraiment l'affaire Uzun ? Si j'en juge par un article d'Éric Pelletier, paru dans l'Express en janvier 2014, il aurait pu s'agir d'une manœuvre destinée à saboter la reprise des négociations entre le gouvernement turc et le PKK, dont Uzun était l'un des représentants. Extrait. En 2011, à Oslo, une première tentative de rapprochement secret a échoué. Au moment de l'interpellation d'Uzun, une autre est sur le point d'être annoncée publiquement. Elle le sera finalement en décembre 2012. Le premier ministre turc Erdogan, rompant avec le dogme des précédents gouvernements, a confié au chef des services secrets turcs la délicate mission de renouer avec la rébellion kurde. Et Adem Uzun, le politique de l'autre bord, est l'une des clés du processus. À l'automne 2012, témoigne aujourd'hui ce dernier, je savais que des contacts étaient pris sur fond de montée de la protestation des prisonniers politiques en grève de la faim. J'ai rencontré en France toute une série d'interlocuteurs, des journalistes, des représentants de think tanks, toujours de manière publique. La suite a prouvé que mon arrestation relevait d'un complot. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé d'un coup de théâtre. Je résume. En janvier 2014, un enregistrement sonore est donc mis en ligne sur YouTube. Une conversation de 10 minutes entre un homme présenté comme Güney et deux de ses supérieurs hiérarchiques, supposés être des officiers des services de renseignement turcs, le MIT. Ils sont évoqués des cibles potentielles, des hauts cadres kurdes, dont Cengiz, la principale, mais aussi d'autres personnalités réfugiées à Bruxelles, dont d'ailleurs Adem Uzun. Ouais. Et réaction à Ankara quand la bande est diffusée là ? Bah, elle est sans surprise. Le lendemain, le ministre turc de la Justice rejette tout lien entre l'affaire du triple assassinat et le MIT. Et il dénonce une campagne de dénigrement. Mais 24 heures plus tard, un journal d'opposition turque publie un document confidentiel des services secrets. Il s'agit d'une note datée de novembre 2012, faisant la synthèse des informations recueillies auprès du légionnaire. Le légionnaire. Bah, c'est le nom de code de Güney, qui, d'après ce document, est chargé de recenser les activités du PKK en France et de rendre inactifs les hauts membres de l'organisation. Alors, Güney serait donc bien missionné par le MIT turc. Et selon les termes même employés par le juge d'instruction, il serait le bras armé d'une entreprise téléguidée par des tiers extérieurs au milieu kurde. Ah oui, ça c'est un juriste qui a parlé, hein. C'est une paraphrase pour désigner les services turcs. Oui, alors à ce stade, on peut d'abord se demander d'où provient cette double fuite très embarrassante pour les autorités d'Ankara. À votre avis ? Bah, si l'on tient compte de la situation politique actuelle de la Turquie, il est tentant de penser d'abord à la confrérie Gülen, qui a engagé un combat frontal contre Erdogan. Après l'avoir pourtant longtemps soutenu. Hein. C'est juste. Pour conforter cette thèse de la responsabilité de Gülen, il faut remarquer que la confrérie use souvent de telles méthodes pour faire sortir des dossiers et des informations confidentielles. Et en via Internet et la presse. Et c'est d'autant plus facile que les gülenistes possèdent plusieurs médias. Toutefois, si l'on cherche à qui profite la double fuite, ben on peut aussi désigner les ultranationalistes, comme les loups gris, qui sont des ennemis irréductibles des Kurdes. Ouais, ils auraient pu agir ainsi pour saborder les contacts secrets entre le gouvernement et le PKK. Et il ne faut pas oublier que ces extrémistes de droite ont des complices dans les services de sécurité. Et de renseignement. Oui. Bien entendu. Mais on pourrait aussi évoquer les kémalistes. Oui, qui s'opposent, ils sont des laïcs, hein, qui s'opposent aux dérives autocratiques et islamiques d'Erdogan. Enfin, il ne faut pas exclure un coup fourré interne. Interne, quoi ? À l'intérieur des services secrets ? Oui, ce qui pourrait être en jeu, c'est le contrôle des services secrets. Pour l'instant, c'est un proche d'Erdogan, Hakan Fidan, qui les dirige. Fidan qui chapeaute aussi les contacts secrets avec le PKK. Mais les gülenistes très hostiles à toute négociation avec les Kurdes auraient intérêt à le déstabiliser. Oui, pour mettre fin donc à ces contacts. C'est très bien d'essayer de savoir d'où viennent ces fuites là, mais la question essentielle demeure quand même celle des vraies responsabilités dans le triple assassinat des militants de Kurdes. Mais vous avez raison. Alors pour terminer, voyons cela de plus près. Il convient d'abord de ne pas éliminer tout à fait un possible règlement de compte entre Kurdes. Au PKK, où l'on pratique volontiers le culte de la personnalité. Le culte d'Öcalan. Oui. On a déjà observé des purges, parfois sanglantes, qui ont frappé les dissidents ou ceux qui critiquaient le chef. Il faut aussi savoir que les Kurdes répartis entre la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Imaginons que les Kurdes turcs concluent un accord avec le gouvernement turc. Les Kurdes syriens, par exemple, pourraient s'estimer trahis. Et puisque nous parlons de la Syrie, il est aussi possible de regarder du côté de Damas. Expliquez. La Syrie ou l'Iran, puisque les deux pays sont alliés, auraient pu vouloir se venger de la Turquie qui soutient les rebelles syriens. En assassinant 3 militants kurdes, les services syriens auraient réactivé l'antagonisme qui existe en Turquie entre les Kurdes et les autorités. Une instrumentalisation de la question kurde, vous y croyez ? Pas trop, mais dans une telle affaire, il faut envisager toutes les hypothèses. Sans doute, mais après ce que vous m'avez dit sur Güney, là, c'est quand même la piste turque qui me semble la plus évidente. Bah, je suis d'accord. Et au cœur de cette affaire, il y a forcément la reprise des contacts secrets entre le PKK et le gouvernement turc. Un détail d'abord. Il semble bien que le jour de l'assassinat, les trois femmes attendaient une visite. D'où vient cette certitude-là ? Ben, elles avaient voulu être seules. Et Sakine Zanjis, qui était habituellement protégée par des gardes du corps armés, ne l'était pas ce jour-là. Et cette visite, alors ? Elle aurait pu être en relation avec la reprise des négociations entre le PKK et les autorités turques. Par exemple, un émissaire venu de Turquie. Car en ce début de janvier 2013, les choses avançaient très vite. Le 7 janvier 2013, donc deux jours avant le drame, la presse turque annonce qu'un compromis en quatre phases a été conclu entre Öcalan et Fidan, le patron des services secrets. Ouais. Alors ce dernier serait donc allé voir le dirigeant kurde dans sa prison. Et que prévoyait ce compromis ? Ben, un arrêt des violences d'ici mars 2013, puis un assouplissement de la loi antiterroriste qui permettrait la libération de milliers de prisonniers politiques kurdes. Ensuite, 4000 combattants du PKK se retireraient du territoire turc et des négociations seraient entamées avec la guérilla afin qu'elle dépose les armes. Et enfin, Ankara promettait d'importantes réformes politiques comme l'abolition des obstacles à l'utilisation de la langue kurde, la révision de la définition de citoyenneté et une révision de la constitution favorable aux Kurdes. Une véritable avancée faire la paix, alors. Incontestablement, mais évidemment, la nouvelle du triple assassinat met immédiatement fin à ces pourparlers de paix. Alors on peut donc penser que c'était peut-être l'objectif poursuivi par les commanditaires. Bah, ça vient tout de suite à l'esprit. Mmh. Et dans ce cas-là, alors, qui pourrait-il être ? Bah, n'importe lesquels de ces gens. Et ils sont nombreux en Turquie qui crient à la trahison dès qu'une amorce de dialogue avec le PKK est esquissée. Mmh. Sans doute, mais ces assassins doivent être cherchés parmi ceux qui fricotent avec les services secrets. Des personnages parfaitement informés et qui se trouvent très près du sommet du pouvoir. Ou en tout cas qui, même s'ils sont en désaccord avec la politique kurde d'Erdogan, ont les moyens d'agir dans l'ombre et d'utiliser à leur profit l'appareil des services spéciaux. Et si je suis si affirmatif, c'est que l'attitude de la justice et de la police turque m'incline à le penser. Précisez. Après le triple assassinat, une enquête a bien sûr été déclenchée en Turquie même, sous la responsabilité du procureur en chef d'Ankara. Eh bien, elle a été aussitôt classé confidentiel. Oui, comme si on a eu peur de ce qu'on allait découvrir. Exactement. Mmh. Et bien sûr, les parties civiles n'ont pas eu accès au dossier. Et comment justifier une telle attitude ? Ankara a d'abord prétendu que Paris ne l'aurait jamais sollicité sur le dossier. Et il est vrai que la demande de coopération judiciaire a été tardivement envoyée au ministère turc de la Justice. Mais au fond, ça devait bien arranger les Turcs. Car même après avoir reçu cette demande, ben, il continue à traîner des pieds. Et il rechigne à coopérer. Quand il ne refuse pas purement et simplement sous les prétextes les plus hypocrites. Pourquoi, par exemple, n'ont-ils pas répondu à quelques questions apparemment simples ? À quoi correspondaient ces mystérieux numéros téléphoniques que Güney appelait si souvent ? Ou encore, quelles étaient les vraies raisons de ces voyages en Turquie ? Oui, mais s'ils répondaient, ben, il leur faudrait mettre en cause leurs services secrets pour lesquels, à l'évidence, Güney y travaillait. Ben, c'est bien sûr la vérité. Je dois aussi vous dire qu'à la fin février 2013, les discussions ont repris avec les Kurdes. Mais aussitôt, le cœur des nationalistes, où il faut ranger pêle-mêle les kémalistes, les extrémistes de droite ou les membres de la confrérie Gülen, ont donné de la voix et même organisé des manifestations de protestation. Et aujourd'hui, le gouvernement turc, empêtré dans des scandales de corruption, ne semble pas capable de mener à son terme d'éventuels accords de paix, en dépit du fait que le PKK a déjà rempli une partie de la feuille de route définie en janvier 2013. C'est-à-dire ? Ces combattants ont commencé à quitter le territoire turc. Enfin, s'il apparaît que le triple assassinat de Paris est obligatoirement lié à l'épineuse question des négociations entre le PKK et l'État turc, il faut observer que ce n'est qu'un épisode sur un long chemin jonché de cadavres, à commencer par la première tentative de paix initiée par le président de la République turque, Turgut Özal, au début des années 90. Racontez. Özal, qui était d'origine kurde, avait osé nouer des contacts avec le PKK, en dépit de l'hostilité de l'armée et des nationalistes turcs. Mais en avril 1993, on l'a retrouvé mort dans son bureau. Son cœur était fragile, paraît-il. Cependant, une autopsie, pratiquée presque 20 ans plus tard, en 2012, a révélé la présence dans son corps de plusieurs produits chimiques dangereux qui ne servaient certainement pas à soigner son insuffisance cardiaque. Deux livres pour terminer et qui n'ont rien à voir avec cette actualité turque, mais nous replongent dans l'atmosphère si ténébreuse de la guerre froide. D'abord, le très beau roman de Ian McEwan, Opération Sweet Tooth, l'histoire d'une jeune Britannique prise malgré elle dans un piège tendu par les services secrets qui entendent recruter à son insu un jeune et prometteur écrivain chargé de répandre la bonne parole occidentale. Ensuite, un autre roman, Le Duel, écrit par le célèbre auteur islandais Arnaldur Indridason, une intrigue politico-policière qui se déroule à Reykjavik alors que s'affrontent les deux plus grands joueurs d'échecs du moment, l'un américain Bobby Fischer, l'autre russe Boris Spassky. À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez nous retrouver. Rebecca de Nantes a préparé cette émission qui a été réalisée par Fabrice Laigle et mise en musique par Monsieur Djoub. Et tout de suite après le flash, CO2, mon amour de Denis Chessou.